te le dire maintenant. Accepte mon impertinence. Je t'avoue mes sentiments. Je n'attends aucune réponse. Je voulais juste te le dire. Pour soulager ma conscience. Et anéantir mon désir. Puisque tu dois partir demain. Puisque tu me laisses seul ici. Sache que j'ai tenté en vain. Te séduire, moi aussi. Puisqu'il n'y a pas eu de début. Nous occulterons donc la fin. Puisque nous n'avons jamais été un. Prenons donc deux chemins.